Le cirque a repris sa roulotte. Bien le bonsoir, les comédiens. À vos bons rires, messieurs, mesdames. On ne sera plus là demain. Demain sera une autre ville, une autre place, une autre vie. Et nous irons chercher fortune dans un autre tour de magie. Mais où sont tous les funambules, les acrobates, les magiciens? Mais où sont tous les funambules, les clowns et le dresseur de chiens? Le cirque a ramassé sa toile, tard dans la nuit, tôt le matin. Balayer la piste aux étoiles, d'un coup de baguette du magicien. Demain sera une autre histoire à dérouler sur le tapis, pour un peu que l'équilibriste nous fasse le coup inédit. Mais où sont tous les funambules, les acrobates, les magiciens? Mais où sont tous les funambules, les clowns et le dresseur de chiens? Le cirque a viré sa grosse caisse, son tuba et son piccolo. Pour partir encore, le temps presse, ce serait mieux de se la jouer piano. Demain sera un autre jour, avec ses bémols qui se taisent. Un faux départ, un vrai retour, en si mineur ou en do dièse. Mais où sont tous les funambules, les acrobates, les magiciens? Mais où sont tous les funambules, les clowns et le dresseur de chiens? Le cirque a roulé sa grand voile, dans le camion, sur les chemins. La route défile et dévoile des reflets oubliés. Demain, demain sera un autre ciel, peut-être un autre numéro, sous le projecteur immobile de notre amour de chapiteau. Mais où sont tous les funambules, les acrobates, les magiciens? Mais où sont tous les funambules, les clowns et le dresseur de chiens? Mais où sont tous les funambules, les acrobates, les magiciens? Mais où sont tous les funambules, les clowns et le dresseur de chiens?